إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فاليوم إن شاء الله سنكمل هذا الباب الذي يتعلق بأحكام الصلاة على وجه المختصر. Aujourd'hui, inshallah, on va compléter les quelques masales qui restent, toujours étant relatives à la salat. بإذن الله تعالى. فقال في المسألة الثمانين قال حفظه الله تعالى صفة الجلوس في الصلاة والإشارة في التشهد كما في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السباب أخرج مسلم. Donc il dit dans le 80e point, la façon de s'asseoir dans la salat est le fait de pointer le doigt lors du tashahhud. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Az-Zubayr radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait dans la salat pour le tashahhud, plaçait sa main droite sur sa cuisse droite et sa main gauche sur sa cuisse gauche, et il pointait l'index droit, et cela est rapporté par muslim. Donc là c'est la façon de faire le tashahhud. L'une des façons de faire le tashahhud, en s'asseyant et en posant la main droite sur la cuisse droite, et en pointant du doigt, et en mettant la main gauche sur la cuisse gauche. Il y a une autre version qui est arrivée, qui a été rapportée dans le musnad de l'imam Ahmed, dans le hadith de Wa'il ibn Hajar, qui l'a dit, c'est-à-dire Wa'il, « ثُمَ رَفَعَ إِزْبَاعُ فَرَأَيْتُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا » Il y a un ajout qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a levé son doigt et qu'il le bougeait. Du moins, je l'ai vu le bouger. Et cet ajout rapporté dans cette version du hadith a été jugé par les savants du hadith comme étant shadh, c'est-à-dire marginal. C'est-à-dire que le rapporteur, bien qu'il soit quelqu'un de thiqa, a rapporté ce que d'autres plus nombreux que lui et plus fiables que lui n'ont pas rapporté. Donc cet ajout a été jugé comme étant chave, et le mot chave a été traduit comme étant quelque chose de marginal. Naam. Ça se revient dans les arkham du mustalah. Donc de là, et des ulama comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, eux voient que cet ajout est authentique. Après, c'est une divergence qui existe dans les terminologies du hadith entre les ulama. D'accord ? Entre les ulama, ce qu'ils méritent étude dans cette science pour pouvoir savoir quelle est la vie la plus correcte. Il ne suffit pas de dire, moi, Cheikh Al-Albani, il a dit ça, donc je prends son avis. Il se peut que demain, l'avis de Cheikh Al-Albani s'oppose à des parents de grands imams plus grands que lui, qui l'ont précédé auparavant, quant au jugement de remuer le doigt lors du tashahhud. Tout en se basant sur les règles de base établies par les muhaddithines, cet ajout rentre tout à fait dans la définition du shav, du marginal. Et ce qui est shav est considéré comme étant rejeté. Donc il suffit de pointer le doigt, d'accord, et ne pas avoir le remué, selon l'avis qui est le plus propre aux règles, rapporté par les muhaddithin. Wallahu ta'ala alam. Il est connu que les salats, hormis le fajr, ont deux tashahhud, un du milieu et un de fin. Donc là, comment est-ce qu'il s'assoit lors de la salat, lors du tashahhud? C'est-à-dire que il y a deux façons différentes de s'asseoir dans le tashahhud. Dans le premier et le deuxième. De façon mustahab, bien entendu. De façon sunnah, ce n'est pas obligatoire. Dans le premier tashahhud, il élève, comme s'il se mettait sur les genoux, il élève, il tend, on va dire, son pied droit, en levant le talon sur le côté, et étale sa jambe, son pied gauche, sous le postérieur. Ça, c'est connu. Ça, c'est la façon normale. Et l'autre façon, lors du tashahhud final, s'appelle el-tawarruk. El-tawarruk, qui est une sunna, qui, elle, consiste à s'asseoir de la même façon, sauf que la jambe gauche, on la fait glisser jusqu'à ce qu'elle se dépasse de la jambe droite, de l'autre côté du corps. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois-ci, le postérieur touche le sol. Et que la jambe passe en dessous du corps pour ressortir du côté où le pied droit est relevé. C'est un peu comme expliquer comme ça verbalement, pas très pratique, Mais en voyant, c'est très facile à retenir. Ça s'appelle tawarruk. Et les ulama disent qu'à la base, le tawarruk ne se fait que dans les salats obligatoires qui contiennent plus de 2 raka'at. C'est-à-dire lors du tashahhud final. Soit les sulasiyat, les salats à 3 raka'at comme le maghrib, ou les ruba'iyat, celles qui ont 4 raka'at comme le dhuhr ou le isha et l'asr, mathalan. Mais ce tawarruk n'est pas obligatoire, c'est une sunnah. Et parmi les avantages à faire le tawarruk, c'est que lorsque quelqu'un vient en salat, par exemple, il a raté le début, quand tu vois les gens en tawarruk, l'imam en tawarruk, c'est qui sait que c'est le dernier tashahhud. Il sait déjà dans quoi il est. Ça lui donne une indication. Où est-ce qu'ils en sont arrivés dans la salat. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas obligatoire de s'asseoir de la sorte. Mais c'est sunnah. Et les ulama disent par contre, pour la femme, elle s'assoit comme l'homme. À la base, c'est que les règles sont similaires pour les hommes et les femmes. Hormis si le fait de s'asseoir de la sorte amènerait à ce qu'elle dévoile une partie de sa raoura, des parties qui lui sont interdites d'être montrées aux étrangers. Donc là, elle s'assoit comme elle peut. Car si sa aura venait à être découverte lors de la salat, cela annulerait sa salat. Thumma qal fil mas'ala al-wahid wa thamanin as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'd tashahhud wa dalilu hadith fadarat ibn Ubayd radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih subhanahu wa ta'ala والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعض بما شاء رواه ابو داود وهو حديث صحيح ومن احسن سياق الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان بشير ابن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رواه مسلم. Donc dans le 81e point, il dit la salat sur le prophète صلى الله عليه وسلم lors du tashahhud. Après le tashahhud, c'est-à-dire dans le tashahhud final, la preuve de ce tashahhud, de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Fadala ibn Ubayd, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait la salat, qu'il débute par louer et vanter son Seigneur, puis qu'il fasse salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il invoque après par ce qu'il veut. Rapporté par Abu Dawud et c'est un hadith qui est authentique. Et parmi les meilleures façons de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté dans le hadith de Abu Mas'ud al-Badri, que Bashir ibn Sa'd a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a ordonné de faire salat sur toi au messager d'Allah. Comment donc le faisons-nous? Il dit, tashahhud, dans notre fois en arabe, mais là on va lire en français pour la traduction des sens de ce tashahhud. Dites, ô Allah, et sallallahu ala nabihi sallallahu alayhi wa sallam wa thana alayhi. Le fait que Allah fasse la salat sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'il fasse son éloge. Donc que Allah fasse l'éloge de Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu l'as fait sur la famille d'Ibrahim, et apporte la bénédiction à Muhammad et à la famille de Muhammad, comme tu l'as fait pour la famille d'Ibrahim dans l'univers. Tu es loué et glorieux. Akada. Donc la salat, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas prière d'Allah sur lui. Allah ne fait pas la prière, mais c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Chose à bien retenir. Salatullah ala nabihi wa thanahu alayhi. C'est l'éloge d'Allah sur son serviteur. Avahu. Wa min bab al-fa'ida, salatul mala'ika ala al-ibad wa al-istighfar lahum. Que la salat des anges sur les serviteurs, c'est la demande de pardon, qu'ils demandent pardon pour eux à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Raqib, il dit que justement, ce tashahhud, le dernier tashahhud, les musulmans sont unanimes qu'il est légiféré. Ainsi que le taslim qui s'ensuit, le fait de dire salam alaykoum wa rahmatullah. Et ils ont divergé quant au jugement sur la salat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elle est une obligation, wajib, ou un rukn, un pilier? Ou est-ce qu'elle est mustahab? Est-ce qu'il est la vie que le shir il a choisi, cher Borakim, c'est qu'elle est obligatoire et non un pilier. C'est-à-dire que celui qui la délaisse volontairement, sa salat, elle est annulée. D'accord ? Elle est annulée. Par contre, si jamais il l'oublie par inattention, et qu'il s'en rappelle par la suite qu'il ne l'a pas fait, alors il fait sajdat et sahou. Il se prosterne la prosternation de distraction, comme on dit. Là, c'est un tambih. Quelle est la différence entre un wajib et un rukn dans la salat ? Un rukn dans la salat, lorsque tu l'oublies, par exemple, tu dois recommencer la rakat, ce rukn, tu dois recommencer la rakat qui le contenait. Et après, tu fais sujud de sahou, prosternation de distraction, et après, tu fais taslim. Quant au wajib, tu n'as pas à le refaire. Une fois que tu t'es rappelé, tu l'as oublié, à la fin de la salat, par exemple, tu fais ton tashahhud, tu salim, et après, tu fais deux sajdah, deux prosternations de distraction. C'est la différence. Un rukn, quand tu l'oublies, tu recommences. La rakat, si jamais c'est après que tu es fini, par exemple, tu as oublié de dire al-fatiha dans la troisième rakat, mesalen, et bien à la fin, tu refais dans la rakat entière pour al-fatiha. Ensuite, tu fais tashahhud. Ensuite, tu te prosternes deux fois. Et ensuite, tu fais le taslim. Alors que le wajib, il n'a pas à être attrapé. Contrairement au rukn, au pilier. Et c'est aussi la différence qu'il y a entre à quel moment on fait sajdat et sahou. Quand est-ce qu'on fait la prosternation de distraction. Certains ulama disent que lorsqu'on rajoute quelque chose dans la salat, on les fait après. Lorsqu'on oublie quelque chose, on les fait avant. C'est un verbe qui a été donné. Et d'autres disent non, par rapport aux preuves qui sont venues dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la sajda de sahou, on a remarqué qu'il l'a fait avant le taslim, lorsqu'il avait oublié un pilier, et qu'il faisait après le taslim, lorsqu'il a oublié une obligation. C'est parmi les choses qui ont été évoquées. Et d'autres ulama voient que le tashahhud akhir, c'est un rukn, c'est un pilier. Thumma qal fil mas'ala al-thani, thaniya wa thamanin. Qal al-mu'allifu fil mas'ala al-thaniya wa thamanin. الدعاء قبل التسليم ثم الذكر بعده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني أحبك إني لا أحبك ووصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهو حديث صحيح. Donc là il dit dans le 82e point la vocation qui est à faire avant la salutation finale de la salat. Puis le rappel qui va avec, le zikr qui va avec. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous termine le dernier tashahhud, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre quatre choses. Contre le châtiment de la jahannam, c'est-à-dire du feu de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, contre le mal du messie Hadjjal, qu'on appelle le faux messie, rapporté par Muslim. Et selon Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main et lui dit « Ô Mu'az, par Allah je t'aime et je t'exhorte, Mu'az, de ne pas délaisser à la fin de chaque salat ces paroles. Ô Allah, aide-moi à me rappeler de toi, d'être reconnaissant et à faire preuve d'excellence dans ton adoration. » Et c'est un hadith qui est authentique. On a bien précisé que dans la salat citée auparavant, dans le tashahhud al-akhir, on l'appelle également salat al-ibrahimiyya. Parce que dedans, Ibrahim il est cité. On parle du 81e point d'avant dans le tashahhud final, obligé de préciser. Et qu'il y a d'autres versions, d'autres façons de la faire, cette salat. Là, il a donné celle qui est rapportée par Muslim. Mais d'autres versions ont été rapportées également. Pour revenir, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'invoquer par ces paroles-là. Il y a des savants qui voient que ce doa est obligatoire. Ils voient que ce doa est obligatoire. De chercher refuge contre quatre choses. Premièrement, contre le feu de l'enfer. Cela implique que nous souhaitons d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve d'y terminer. Que ce soit le plus grave éternellement, comme les mécréants, ou même de passage, comme le cas des mouahidines qui ont commis des kaba'ir, qui ont été châtiés. Que Allah nous préserve de son feu. Car le feu de l'enfer est une chose qui est un mal pur. Les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons cité, sont de trois catégories. Ce qui est un mal pur, ce qui est un bien pur, et ce qui contient des deux. Un bien pur, comme les prophètes, comme les malaïkas, comme le Jannah. Le mal pur, comme Iblis, ou comme le feu de l'enfer. Et les choses qui sont intermédiaires, comme Al-Jinn, ou Al-Ins, comme les hommes, les humains, ou Al-Zalika. Et là, le feu de l'enfer, c'est un mal qui est pur. C'est un mal qui est pur. Cheikh Abdul Raqib rapporte une parole de Ibn Dirk Al-Id, qui a dit à propos de la fitna de la vie, c'est-à-dire que l'être humain recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les tentations de cette vie, de ce bas monde. Car cette tentation pourrait le dévier de sa religion. Parmi les choses qui touchent au plaisir, ou les choses qui touchent aux ambiguïtés, ou à l'ignorance. Ensuite, Azab al-Kabr, Azab al-Kabr, qui est le châtiment de la tombe. Ça, c'est pour celui qui le mérite. Déjà, les koufars, ils y ont tous droit. Inévitablement. Et les musulmans sont ceux qui sont tentés le Mashi'a. Sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, les châtie, et s'il veut, leur pardonne. Et personne ne sait quel est son sort qui l'attend. Donc de là, lors du tashahhud, il demande à Allah refuge contre ce châtiment. Et ne pas confondre entre le châtiment de la tombe et la fitna de la tombe. Fitna de la tombe, tout le monde y passe. C'est le fait d'interroger « Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk ». Quelle est ta religion, ou plutôt quel est ton seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Ça c'est fitna del kabr. Am azab el kabr, c'est un châtiment qui a lieu dans la tombe, très dur, qui a lieu pour ceux à qui Allah l'a décrété. Et la plus grande cause du châtiment de la tombe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de ne pas se préserver de l'urine. Ça, c'est parmi les plus grandes causes qui amènent à se faire châtier dans la tombe. Et ça ne paraît pas énorme pour beaucoup de personnes. Et pourtant, en religion, c'est quelque chose qui est très grave. Ce qui démontre que c'est un grand péché. D'accord ? Le fait de ne pas se préserver de son urine, de ne pas se nettoyer, hada min kaba'ir. Comme cela est dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mera la kabrain, faqala inna huma yu'azzaban, wa la yu'azzaban fi kabir. Que les deux là se font châtier, et pourtant ce n'est pas pour grand chose. L'un d'entre eux ne se préservait pas de son urine, c'est-à-dire lorsqu'il urinait, soit il le faisait devant tout le monde, ou soit alors il y avait des retours sur ses vêtements qui le remplissaient de najasa. Et l'autre, il colportait, il faisait preuve de calomnie. Donc ils ont été torturés dans leur tombe pour ces péchés-là. Et tout péché qui amène à un châtiment a été considéré comme étant parmi les grands péchés. Et la fitna de la mort, c'est le fait justement, comme des ulama l'ont dit, de rester ferme, thabit, jusqu'à la mort. Car certaines personnes, juste avant de mourir, se sont retournées sur leurs pas. Wal'iyadhu billah. Lors de la mort, à cause des souffrances que celle-ci peut faire endurer aux serviteurs, certains n'ont pas patienté et ont mécru au dernier moment. Ont mécru en leur Seigneur. Ont désespéré en leur Seigneur. Alors que justement, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Lakinu amwatakum la ilaha illallah. De bien faire répéter à celui qui sont sur son lit de mort la shahada. Mimbeb et tasbit. Pour le raffermir en ce bas monde. Waqal, et la fitna du Messie d'Ajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y aura pas de plus grande fitna en ce bas monde que celle de cet homme qui va venir, qui va éprouver les hommes. Et ceux qui vont le suivre le plus, ce sont les juifs et les femmes. Comme cela a été rapporté dans des hadiths qui sont authentiques. Ceux qui vont plus suivre le Messie d'Ajjal, le faux Messie, ce sont les femmes et les juifs. Wal'iyadhu billah. Donc de là, on a pris aujourd'hui trois nouvelles masa'il qui sont les dernières qui sont relatives à la salat, qui sont comment s'asseoir et comment pointer le doigt lors du tashahhud. On a pris également comment faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a pris les doigts à faire après le tashahhud. Et d'autres doigts ont été évoqués, autres que celui-ci. Et ce doigt-là, comme celui rapporté par Mouaz, on les fait après le tashahhud. Ce n'est pas après la salat. C'est dans la salat, mais après le tashahhud, avant de faire le taslim. Il y a plein de masa'il qui n'ont pas été évoqués dans la salat, car comme on l'a expliqué, le chien l'a fait pour des enfants qui retiennent ce qu'ils ont à faire. Et le frère Abdullah Al-Hadi, Hafizallahu Ta'ala, a déjà donné des cours dans Sifat al-Salat, bien plus détaillé, Inch'Allah, pour ceux qui veulent avoir plus de tafsil, fil mas'ala. Wa akada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.